إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، الحمد لله الذي منى علينا بهذه اللقاءات المباركة إن شاء الله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله. فهنا الله عز وجل نلوى الله سبحانه وتعالى يتوت للوان جيتا الله سبحانه وتعالى pour nous avoir permis de se rencontrer inshallah qui seront bénis min Allah عز وجل. Et nous demandons à Allah سبحانه وتعالى de nous augmenter de ses bienfaits. وقبل البدء في هذه السلسلة من الدروس في الحق في الحقوق أسأل الله التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، أشكر الذين كانوا سببا لهذه اللقاءات، كما أشكر المسؤولين عن مركز الفرقان، وأقدم شكري كذلك لجمعية المسجد ولإمام المسجد وللمسؤولين عن هذا المسجد وللحضور الكرام كذلك. Et avant de commencer avec cette série de cours autour des droits, on demande Allah subhanahu wa ta'ala que ces cours ne soient bénéfiques à tous. Je remercie ceux qui étaient la cause de ces rencontres. Comme je remercie nos frères du centre Al-Furqan, et je remercie aussi l'association de la mosquée, les responsables de cette mosquée, ainsi que l'imam de la mosquée, de nous avoir et de vous avoir permis de se rencontrer ici. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente le regard de ça dans la balance de leurs actes, dans la balance de leurs bonnes œuvres. Et je demande à Allah, wa sallallahu subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifati al-ula an yajzi al-jami'a kull khair wa an yakhtalamana lan jami'an bis salihati a'malana. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter à tous de ses bienfaits et de faire que notre vie se termine avec des bonnes œuvres et dans une voie que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Fa rasuluna sallallahu alayhi wa sallam 'allamana كما جاء في السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر رحمه الله تعالى أنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. Le fait d'être reconnaissant et de remercier, ceci fait partie de la sunna de notre prophète عليه الصلاة والسلام. Comme il est rapporté du hadith d'Abdullah ibn Omar dans la chaîne des authentiques de Cheikh Nasr rahimahullah ta'ala, il dit dans le hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui n'est pas reconnaissant, qui ne remercie pas les gens, ne sera pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah, ni ne remerciera Allah subhanahu wa ta'ala. Wa قبل الشروع أزف لإخواني وللآباء الحضور هذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et avant de commencer, je offre cette bonne nouvelle à nos parents et à nos frères et à nos sœurs en Allah Azza wa Jal, cette bonne nouvelle qui nous vient directement du prophète alayhi salatu wassalam. Rawa l'imam muslim rahimahullah ta'ala fi sahihih min hadith Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu warḍah qal wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه بشرى عظيمة من الصادق المصدوق من الذي لا ينطق عن الهوى. Et avant de commencer, je fais cette bonne nouvelle que tout le monde connaît, cette nouvelle qui nous vient directement du véridique qui n'a dit que la vérité. Il est rapporté chez l'imam Muslim رحمه الله de Abu Hurayra رضوان الله عليه أجمعين. Il dit que Rasoul صلى الله عليه وسلم dit chaque fois que des gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala pour étudier le livre d'Allah et lire le livre d'Allah et l'étudier entre eux, la quiétude descend sur eux, la clémence les couvre et les anges les entourent. Et Allah subhanahu wa ta'ala les évoque dans une autre assemblée autour de lui. Fa وحتى نفهم جيدا معنى الاجتماع المذكور في الحديث الاجتماع على التلاوة أذكركم بما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للحديث في رياض الصالحين. Et pour bien comprendre cette réunion qui est bénite من الله عز وجل qui est citée dans le hadith, je vous rappelle un passage de l'interprétation qu'on a fait الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فالتلاوة المذكورة في الحديث ثلاثة أنواع: تلاوة لفظ وتلاوة معنى وتلاوة عمل وهي المقصودة. Et la lecture qui est citée dans le hadith, il est de trois formes, comme il le cite Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah dans l'interprétation de Riyad Salihin. Une lecture de la lettre, la lecture de la signification et la lecture mise en application qui est voulue par les textes. C'est-à-dire la mise en application. أما تلاوة اللفظ فمعروفة. يقرأ إنسان آية ويتبع الآخرون يقرؤون نفس الآية والآيتين وهذا في مقام التعليم. كن هذا المقرئ يقرأ آية وآيتين أو نصف صفحة والذين حوله يتبعونه بالقراءة نفس ما قرأ. فهذا في التعليم. La première lecture qui est la lecture du texte, celle-ci il est connue surtout dans les cercles d'enseignement. Celui qui enseigne, il va lire un verset, deux, trois, une moitié de la page, et ceux qui sont en face de lui pour apprendre vont répéter ce qu'il a dit ensemble. Et ça c'est au niveau de l'enseignement et de l'apprentissage où il est permis. Des fois القارئ كذلك يقرأ صفحة أو صفحتين ثم يقرأ الثاني بعده صفحة أو صفحتين غير ما قرأ الأول وهكذا. هذه صورة أخرى في قراءة الاجتماع على القراءة اللفظية. Et un deuxième cas de figure dans la lecture qui est faite dans les cercles, et des fois le lecteur il lit une de mes pages, une page, deux pages ou trois, et celui qui est à côté va lire la suite. Deux autres pages qui sont différentes, qui sont la suite de ce qu'a lu le premier, et ainsi de suite. Ça, c'est aussi un cas de figure qui concerne la lecture en groupe. والتلاوة المعنوية ثانيا تلاوة المعنوية يتدارس القوم كتاب الله ويتفهموا معناه مستعينين بكتب السلف الصالح في التفسير كابن كثير والسعدي وغيرهم من أئمة الدين وأئمة التفسير. وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يقرؤون عشر آيات ولا يتجاوزونها حتى يفهموها ويتعلموا العلم الذي فيها والعمل الذي فيها. فقالوا تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهكذا يجب أن نكون، لأن القرآن أنزل لماذا؟ لكي يعمل به، لكي يتدبر ويعمل به، وهكذا خصنا نكون. La deuxième façon de se réunir sur la lecture, c'est la lecture de la signification et du sens de ce que veut dire cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens se réunissent pour étudier l'interprétation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le comprendre, comprendre son sens. Ils cèdent pour ça avec les interprétations de l'épuisère d'Allah alim, comme Ibn Kathir, Ibn Jarir Tabari, Sa'di, Rahimallah al-Jami' et d'autres. L'épuisère d'Allah alim ne dépassait pas dix versets. Il les mémorisait, il les lisait, il les comprenait, il les mettait en application. Dix versets, il ne les dépassait pas avant de les avoir mémorisés, compris et mis en application ce qu'il faut mettre en application de ces versets. C'est ainsi, il disait Ridwanullah alayhim, nous avons appris le Coran, la science et la mise en application. Le Coran, la science qu'il contient et la mise en application. ثالثا التلاوة العملية وهذه هي أعظم مقصود القرآن الكريم ولهذا أنزل لكي يعمل به هذه أعظم مقصود لهذا الكتاب. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. وهذا هو العمل بما جاء في القرآن من تصديق لأخبار القرآن وامتثال لأوامر القرآن واجتناب للنواهي المنصوصة في كتاب الله عز وجل. وهذه هي التلاوة العلمية المطلوبة منا. Troisièmement, la lecture au niveau des actes, c'est-à-dire la mise en application. Et ça, c'est le but principal pour lequel ce Coran a été révélé et a été descendu, pour le mettre en application. Il est dit dans le verset, c'est un livre béni que nous avons descendu pour qu'il médite ces versets et que se rappellent ceux qui sont doués de raison. Et la mise en application du Coran, c'est le fait de prendre comme véridique les annonces qui sont dans ce Coran. Et c'est le fait de se soumettre à ses ordres et de mettre en application les ordres qu'il y a dans ce Coran. Et de s'abstenir des interdits qu'il y a dans ce Coran. Et ça, c'est la lecture au niveau des actes. C'est la mise en application. Et dans ce hadith, hadith Abi Hurayra radiallahu ta'ala anhu warda, أمور لا يحصل لا يتحصل عليها الإنسان إلا في هذه المجالس التي يدرس فيها قال الله قال رسوله قال الصحابة. فلنتذكر ونعلم النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا، وخاصة في مثل هذه البلدان، وفي عاصمة بلجيكا، وفي هذه الليلة التي هي ليلة السبت. نتذكر نعمة الله علينا. لماذا يتهيأ للناس الآن في ليلة العطلة الأسبوعية؟ للفساد. ونحن ممن أنعم الله عليهم ومن الله علينا بأن نجلس في بيت من بيوت الله لكي يحصل لنا ما في الحديث. هنا الله عز وجل دون الحديث هي دي شوز كون بو اوبتونيغ كو دون سيز اسيز دون سيز اسيز اون اونتون الله سبحانه وتعالى ادي الرسول صلى الله عليه وسلم ادي لي كومبانيون اون دي. Nous devons se rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lesquels il nous comble. Et surtout dans ce genre de pays comme la Belgique en Europe et la capitale de la Belgique qui est Bruxelles. La nuit du samedi, qui est maintenant la nuit du samedi, les gens ils se préparent pourquoi? Pour la débauche totale. Et nous, on fait partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés par le fait d'être assis dans une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala pour bénéficier des choses qui découlent, que nous a annoncé celui qui ne parle pas de ses propres passions qui est le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. فأول هذه الأمور السكينة تنزل على الإنسان، وهذا شيء يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب فيطمئن ويستقر ولا يكون فيه لا قلق ولا شك ولا ريب. وهذه من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى للإنسان. La première des choses, c'est que nous avons ce qu'on appelle sakina, qui est la quiétude. Et ça, c'est quelque chose que Allah سبحانه وتعالى jette dans le cœur, met dans le cœur des croyants. Pour qu'il se stabilise, qu'il se tranquillise, qu'il ait la paix, la quiétude. Et ça, et qu'il n'y ait aucun doute, aucune perturbation d'esprit. Et ça, c'est l'un des grands bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il nous comble. Fais Allah azza wa jal an yuzzila fi qulubina as-sakina wa yunzila alayna as-sakina. Wa qal wa ghashiyatuhum ar-rahma. غطتهم والغطيان بمعنى الغطاء تغطوا والليل إذا يغشى أي إذا غطى ملي تيغطى الليل الأرض بالظلام ديالو وغشيتهم الرحمة غطتهم الرحمة. إلى دي إلى كليمونس لي كوفغ c'est-à-dire il le couvre complètement comme tu te couvres avec une couverture comme la nuit couvre la terre après le coucher de soleil. وحفتهم الملائكة أحاطت بهم يستمعون الذكر ويكونون عليهم شهداء. حفتهم الملائكة هما معاهم ضير بهم وتيستمعوا معاهم ويكون عليهم كذلك شهداء. لأنهم كانوا من أهل هذه المجالس. Et les anges les entourent. C'est-à-dire qu'ils les entourent, eux aussi ils entendent, ils écoutent, ils sont témoins pour eux. Comme quoi ils étaient dans ces assises. Et ça c'est un grand bienfait min Allah Azza wa Jalla aussi. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ تصور أخي الكريم أن الله يذكرنا عنده في ملأ أعلى ها وهذا كقوله عز وجل في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وهو عند البخاري وذكرهم الله في من عنده أنت العبد الضعيف يذكرك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى وهذا لن تجده لا في المقهى ولا في ملعب الكرة ولا على ساحة الأسواق ولا على أي ساحة ولكن لك هذا في مجالس يذكر فيها الله في مجالس تسمع فيها قال الله قال رسوله قال الصحابة إيه على فان دي حديث il y a dans ce hadith et Allah subhanahu wa ta'ala les évoque dans une assemblée une assemblée chez Allah subhanahu wa ta'ala et ça imagine frère on Allah azza wa jal qu'Allah subhanahu wa ta'ala te cite dans une assemblée autour de lui dans une assemblée dans les hautes sphères il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala imagine ce bienfait avec lequel te comble Allah subhanahu wa ta'ala, cet honneur que tu sois cité. Et ceci est l'équivalent du hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée meilleure que celle dans laquelle il m'a évoqué. Et tout ceci, on ne saurait l'obtenir que dans les assises où on entend Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على فضيلة الاجتماع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وفق منهج سلف هذه الأمة. Il en sort que ce hadith nous prouve et nous donne ses vertus dans des assises dans lesquelles on entend Allah سبحانه وتعالى dit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit tout ceci selon la voix et la voix de nos puiseurs d'Allah alayhi. Wa kama qultu ikhwati fillah, saudakkiru nafsi wa iyyakum bi ba'd al-huquq. Wa hiya takun hakadha insha'Allah, haqqullah azza wa jal, wa nabda'u al-yawm insha'Allah, wa haqqu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. وحق الأمة الإسلامية وحق الراعي والرعية بإذن الله عز وجل وتوفيقه. إفخار الله عز وجل كم جدي. Ces assises vont tourner autour des droits en islam, de certains droits en islam. Le droit d'Allah que nous allons commencer aujourd'hui, inshallah. Le droit du messager عليه الصلاة والسلام. Le droit de cette communauté, de la communauté musulmane. Et le droit des gouverneurs et des populations. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Wa natakallam 'an al-huquq fi waqtin da'at fihi al-huquq wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et nous parlons des droits à une période où les droits ont été négligés par beaucoup. Et nous sommes à Allah et nous allons revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nandur hawlana kam min al-muslimin dayya'u haqq Allah. كم من المسلمين ضيعوا حق الوالدين كم من المسلمين ضيعوا حق الأولاد كم من المسلمين ضيعوا حق الزوجات كم من المسلمات ضيعن حق الأزواج وهكذا وهلم جرا كم من المسلمين ضيع حق الله وضيع حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كم منهم يضيع حق العلماء وحق ولاة أمور المسلمين وحق هذه الأمة فلنتأمل ونتدبر حالنا. Combien de musulmans, frères en Allah, Azza wa Jal, ont négligé le droit d'Allah? Combien de musulmans négligent le droit d'Allah, néglige le droit du prophète alayhi salatu wassalam, le droit des parents, le droit des enfants, le droit de la femme. Combien de femmes négligent les droits de leur mari? Combien de musulmans ont négligé la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Combien de musulmans ont négligé le droit des hommes de science dignes du nom? Combien de musulmans ont négligé le droit des gouverneurs et le droit des populations et le droit de la communauté musulmane? Qu'on médite la situation et qu'on voit. وتظهر أخ الإسلام أهمية الحقوق في الإسلام في حديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة أي لابسة ثياب المهنة تاركة لباس الزينة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا أي من بلش بالعيالات ما غرضوش في النساء. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم أي قدم الطعام لسلمان وقال له كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له سلمان نم. فنام أبو الدرداء ثم ذهب يقوم مرة أخرى قال له سلمان نم. فذهب فنام مرة أخرى. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن يا أبا الدرداء قم الآن. فصلى يا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حق وإن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق فاعط كل ذي حق حقه. إن لربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق فيجب أن تعطي لكل ذي حق حقه. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له أبو الدرداء ما قال سلمان فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام صدق سلمان صدق سلمان صدق سلمان أي أقر ما قاله سلمان أن الحقوق يجب أن تؤدى. حق الله حق النفس حق الأهل حق الوالدين يجب أن نؤدي الحقوق. Donc Allah Azza wa Jal, il nous a parlé l'importance des droits en islam dans cette scène que nous rapporte l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il a fait qu'un muhajiri soit le frère d'un ansari, d'un habitant de Médine. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait que Salman, le Perse radiyallahu anhu wa arda, soit le frère d'Abu Darda radiyallahu alayhi wa sallam. Un jour, Salman est venu chez Abu Darda. Il a vu que Umm Darda était négligée. C'est-à-dire, les vêtements qu'il avait sur elle, vêtements de ménage. Et quand il l'a vu dans cette situation-là, il lui a dit, qu'est-ce que t'as? Il lui a dit, ton frère, il n'a rien à faire de ce bas monde. Ça veut dire, ton frère, il n'a rien à faire des femmes. Quand Salman est arrivé, quand Abu Darda est rentré, il est allé, il a cherché un repas, il l'a ramené à Salman, lui a dit mange, parce que moi je jeûne. Salman l'a regardé, lui a dit je ne vais pas manger jusqu'à ce que tu manges. Quand la nuit est arrivée, Abu Darda est allé, s'est levé pour aller faire des prières nocturnes. Salman, de l'autre côté, lui a dit va te coucher, va dormir. Et il est allé, il a exécuté l'ordre de son frère Salman, et il est allé dormir. Un peu plus tard, dans la nuit, il se réveille. Il va pour prier. Salman, il l'interpelle, il lui dit, va dormir. Et il va se coucher. Vers la fin de la nuit, Salman le réveille, il dit, Abu Darda, maintenant, réveille-toi. Et chacun a prié, qu'il a pu prier, des prières nocturnes. Et après, ils sont allés à la mosquée. Quand ils sont arrivés, après Salat al-Fajr, Abu Darda, avant d'arriver là-bas, Salman a dit à Abu Darda, sache que Allah a des droits sur toi. Ton corps a des droits sur toi. Ta famille a des droits sur toi. Et tu dois t'acquitter de tous les droits. De tout un chacun, tu dois lui donner son droit. Tu dois accomplir les droits de tout un chacun. Quand ils sont arrivés devant le prophète, alayhi salam, après salat al-fajr, Abu Darda a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il lui a dit Salman. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il a dit vrai Salman, Salman a dit vrai, Salman a dit vrai. Cela te confirme que nous devons nous acquitter des droits. En premier lieu, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vois les gens maintenant en ce moment, ils crient quoi? Le droit à la liberté de l'expression, le droit à ceci, le droit à cela. Mais où est le droit d'Allah dans tout ça? Où est le droit d'Allah? Et nous devons nous acquitter du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la base des bases dans tous les droits, autour duquel et sur lequel doit se baser la vie du musulman. Wa هناك آية في كتاب الله عز وجل يسميها العلماء آية الحقوق. بدأ الله سبحانه وتعالى بأعظم الحقوق وهو حقه سبحانه وتعالى في سورة النساء, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنوب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية التي يسميها العلماء آية الحقوق حقوق كثيرة, وبدأ بحقه عز وجل وقال واعبدوا الله, ولم يكفي الأمر فقال نهى كذلك وقال ولا تشركوا به شيئا. أمر ونهي, أمر بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة, ونهي عن الإشراك به أو إشراك شيء معه في العبادة. من الله عز وجل يوسي من سورة النساء un verset que les hommes de science appellent le verset des droits. Et ce verset, il commence ainsi: adorez Allah et ne lui faites pas d'associés. Et soyez bons avec les parents, avec les proches, et avec ceux avec qui vous avez le lien du sang, et avec les orphelins, avec les nécessiteux, avec le voisin qui est de votre sang, et le voisin qui n'est pas de votre sang, et avec le compagnon du voyage, avec la femme, avec votre femme, avec le compagnon dans le sens large du terme, avec l'étranger, c'est-à-dire le voyageur qui a quitté les siens, qui se trouve étranger quelque part, qu'il soit dans la nécessité ou pas, il faut être bon avec. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sous votre protection, que ce soit les animaux, que ce soit l'argent, que ce soit les humains, etc. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui sont imbus d'eux-mêmes. Mais regarde, le verset des droits, il a commencé avec toi, il a commencé avec le premier des droits, et le plus important des droits, et qui est la base de tout. Adorer Allah uniquement, et ça, il n'a pas suffi. Il a dit, ne lui faites aucun associé. Ordre et interdiction. Ordre de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et interdiction de lui associer quoi que ce soit. وقال عليه الصلاة والسلام وجاءت نصوص كثيرة تؤكد هذا الحق. فاسمع للمصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يوجه معاذ بن جبل رضوان الله عليه, قال صلوات ربي وسلامه عليه لمعاذ بن جبل يا معاذ, فقال لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم, قال حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, حق لله سبحانه وتعالى أن يعبد ولا يشرك به. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك, فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم حق الله على العباد إذا حققوا حق الله ووحدوا الله وعبدوه وحده لا شريك له ألا يعذبهم فالأمر أمر عظيم ويجب أن نهتم بهذا الحق أكبر اهتمام لأنه أصل الأصول وأصل كل خير في الدنيا هو تحقيق حق الله سبحانه وتعالى وأصل كل شر في الدنيا هو تضييع حق الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل il y a des textes qui nous montrent l'importance de ce droit qui est le droit d'Allah سبحانه وتعالى قلت الرسول صلى الله عليه وسلم d'orienter et d'enseigner à Mu'ad ibn Jabal رضوان الله عليه à toute la communauté il lui a dit alors qu'il était derrière lui sur une monture oh Mu'ad Mu'ad lui dit présent ya Rasul Allah il a dit ya Mu'ad tu sais ce que c'est que le droit d'Allah sur ses serviteurs Mu'ad lui dit il n'y a qu'Allah et son messager qui le savent Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit le droit d'Allah sur ses serviteurs c'est qu'ils doivent l'adorer sans lui faire aucun associé ils doivent l'adorer sans lui faire aucun associé culte exclusivement réservé à Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont continué à marcher à l'âge de temps wa alaykoum salam wa rahmatullah et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a réinterpellé Mu'ad lui a dit ya Mu'ad il a dit présent ya Rasulallah il a dit est-ce que tu sais le droit des serviteurs chez Allah subhanahu wa ta'ala s'ils ont accompli le droit d'Allah qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qui les attend chez Allah Mu'ad lui a dit il n'y a qu'Allah et son messager qui le savent il lui a dit le droit des serviteurs chez Allah subhanahu wa ta'ala c'est qu'il ne les châtie pas c'est énorme comme récompense réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala il en résulte que la personne est épargnée et ne sera pas châtiée. Et sache, comme disent les hommes de science, que le monothéisme, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'origine de tout le bien sur terre. Et la négligence, le fait de ne pas accomplir le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'origine de tout le mal qui est sur terre. فلعل قائلا قد يقول وقد قيل ما بالكم تهتمون بالتوحيد وتكثرون من الكلام في التوحيد ولا تتناولون قضايا المسلمين في الوقت الحاضر الذين يقتلون ويشردون في الأرض وتلاحقهم دول الكفر في كل مكان ويعانون من جور الحكام ويعانون من الفقر ومن الدل وما إلى ذلك et peut-être certains se diront il a été dit déjà pourquoi tous ces discours pourquoi tous ces cours pourquoi tous ces écrits autour du monothéisme et vous ne cessez de parler du monothéisme et vous ne traitez pas la situation du musulman et à l'heure actuelle et ce qui arrive aux musulmans ils se font tuer à travers la planète hein? Les ennemis d'Allah les pourchassent ils souffrent de l'injustice ils souffrent de la pauvreté et etc etc فهذه الشبهة إخوة الإسلام يقول عنها العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله ومتع به ونفع به وبعلمه التوحيد حق الله على العباد التوحيد هو الأصل الذي بنيت عليه الملة الحنيفية فالاهتمام به اهتمام بالأصل et cette ambiguïté frère en Allah عز وجل son éminence Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de sa science tous, dans son livre, hein, des cours du Coran, dit le monothéisme, qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base sur laquelle a été fondée la voie droite. Le fait de s'occuper du monothéisme, c'est s'occuper de la base et de l'essentiel et de la fondation. يقول حفظه الله ومتع به وإذا تدبرنا القرآن الكريم وجدنا أنه بين التوحيد تبيانا كاملا. Il dit, si nous méditons le Coran, nous allons trouver qu'il nous a détaillé le monothéisme d'un détail très clair et complet. حتى إنه لا تخلو صورة من صور القرآن إلا فيها تناول للتوحيد وبيان له ونهي عن ضده. Or que il dit rahimahullah ta'ala wa hafidah, il n'y a pas un verset dans, il n'y a pas une sourate dans le Coran dans laquelle il n'y a pas, le monothéisme n'est pas traité. Que ce soit l'ordre d'accomplir l'adoration exclusivement pour Allah ou l'interdiction du contraire du monothéisme qui est l'associationnisme. يقول وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن القرآن كله في التوحيد. Et il dit que ابن القيم رحمه الله a confirmé que le Coran tout en entier tourne autour du monothéisme. لأنه إما إخبار عن الله وأسمائه وصفاته وهذا هو التوحيد العلمي الذي هو توحيد الربوبية. Il dit car le Coran est en entier, comme il a dit Ibn al-Qayyim, autour du monothéisme. Car ce sont des annonces, des noms d'Allah, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le monothéisme scientifique, qui est le monothéisme de la seigneurie. Hein? Wa imma amrun bi'ibadati Allah wahdahu la sharika lah wa nahyun عن الشرك وهذا هو التوحيد العملي الطلبي وهو توحيد الألوهية. Il dit soit le Coran, c'est aussi des ordres. L'ordre d'adorer Allah, de lui réserver exclusivement le culte. Hein? Et aussi l'interdiction de lui faire un associé ou de tomber dans l'associationnisme. Et ça, c'est le monothéisme au niveau des actes, ce qui nous est demandé, réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle le monothéisme, le tawhid al-uluhiyya. Wa imma amrun bi ta'ati Allah wa ta'ati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa nahyun an ma'siyati Allah wa ma'siyati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Wa hada min huquq at-tawhid wa mukammilatihi. Et il dit, le Coran, s'il soit un ordre d'obéir à Allah et d'obéir à son messager, et soit le fait de nous interdire la désobéissance à Allah et la désobéissance au messager, et ça, ce sont des choses qui vont parfaire et qui vont compléter les droits du monothéisme. Hein? وَإِمَّا إِخْبَارٌ عَمَّا عَبْدَ اللَّهُ لِلْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّعِيمِ وَالْفَوْزِ وَالنَّجَاتِ وَالنَّصْرِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ou alors, le Coran, ce sont des annonces, des bonnes nouvelles. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce qu'il a réservé et ce qu'il réserve encore dans le delà. Et les choses avec lesquelles il a comblé les monothéistes. Et ce qui les attend comme délices. Et le gain du paradis, et d'être sauvé du feu de l'enfer, et d'avoir le triomphe dans ce bas monde et dans le delà. Ou ikhbarun amma halla bil mushrikin min al nakal fi dunya wa ma u'idda lahum fi al akhirati min al adhab al da'im wa al khulud al mu'abbadhi fi jahannam wa hadha fi man haqqaqa al tawhid wa fi man ahmala al tawhid. Ou alors, le Coran, ce sont des annonces, Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce ce qui est arrivé aux associateurs comme châtiment dans ce bas monde et ce qui les attend dans le delà. Hein? Le châtiment éternel et l'éternité dans le feu de l'enfer. Et tout ceci, ce qu'il a cité, il dit, ça pour ceux qui ont accompli le monothéisme et ceux qui l'ont négligé et qui ne l'ont pas accompli. Et ceux qui l'ont accompli vont avoir les délices, le triomphe dans ce bas monde et tout le reste. Et les grands bienfaits de Allah, ceux qui l'ont négligé, qui lui ont donné le dos, qui ne l'ont pas accompli, ben, ils sont rabaissés dans ce bas monde et dans le delà, le pire les attend. Et ici s'arrête la parole de Ibn al-Qayyim rahimahullah. فيقول الشيخ الفوزان حفظه الله إذن فالقرآن كله يدور على التوحيد وأنت إذا تأملت الصور المكية تجد غالبها في التوحيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك يلجي حفظه الله تعالى donc tout le Coran tourne autour du monothéisme. Et il dit, si tu médites les sourates qui ont été révélées à la Mecque à la période, pendant la période mikwaise, tu vas trouver que la majorité de ces sourates tournent autour du monothéisme. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam restait 13 années à la Mecque, il ne prêchait que le monothéisme. Et il blâmait, et il interdisait l'associationnisme. يقول حفظه الله ما نزلت عليه أغلب الفرائض من زكاة وصيام وحج وغير ذلك من أمور الحلال والحرام وأمور المعاملات ما نزل هذا إلا بعد الهجرة في المدينة إلا الصلاة فقد فرضت عليه في مكة ليلة المعراج حين أسري به صلى الله عليه وسلم ولكن كان هذا قبيل الهجرة بقليل إلدي حفظه الله تعالى donc toutes les obligations n'ont été révélés au prophète alayhi salatu wasalam, que ce soit ce qui concerne la zakat, le jeûne, le pèlerinage et autres. Tout ce qui concerne les choses halal et ce qui est haram, l'illicite et le licite, et tout ce qui concerne le commerce, comment se comporter avec autrui, etc. Tout ceci n'est arrivé, n'a été révélé qu'après l'émigration vers Médine. Sauf la prière qui a été rendu obligatoire à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, son obligation est arrivée à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la nuit où il y a eu le voyage nocturne, alayhi salatu wa sallam, et ceci un peu de temps avant l'immigration vers Médine, peu de temps avant l'immigration de Médine. ولذلك يقول الشيخ حفظه الله كان غالب الصور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كلها في قضايا التوحيد مما يدل على أهميته وأن الفرائض لم تنزل إلا بعد أن تقرر التوحيد ورسخ في النفوس وبانت العقيدة الصحيحة لأن الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد ولا تؤسس إلا على التوحيد il dit حفظه الله تعالى et c'est pour ça que toute non la majorité des sourates qui ont été révélées à la Mecque tous ne traitaient que le monothéisme. Cela dit, Habibullah Ta'ala prouve l'importance du monothéisme et que les autres obligations n'ont été révélées à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qu'une fois que le monothéisme a été confirmé et ancré dans les cœurs. Et que la aqida est devenue claire, il s'est planté dans les cœurs et était une aqida très claire. À ce moment-là, il y a eu les obligations qui sont arrivées. Car les œuvres ne sauraient être valide, il ne saura être accepté min Allah Azza wa Jal sans le monothéisme. Ils ne sont acceptés chez Allah subhanahu wa ta'ala que s'ils sont basés sur le monothéisme. يقول الشيخ حفظه الله وقد أوضح القرآن أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا هو شأن الرسل البذاءة بالتوحيد Il dit, Habibullah Ta'ala, le Coran nous a éclairé aussi comme quoi les messagers alayhi salatu wa salam, la première des choses avec laquelle ils commencent leur prêche et leur da'wa, c'est le monothéisme avant toute autre chose. Il est dit dans le verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui leur a dit adorer Allah et éviter d'adorer tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans notre verset, chaque messager que nous avons envoyé avant toi, ya Muhammad, nous lui avons révélé qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, adorez-le. Et dans notre verset, ô peuple, chaque prophète, chaque messager a dit son peuple, au peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la situation. Et la fonction de tous les messagers alayhi salatu wassalam. Ils ont tous commencé avec le monothéisme. Wa kadhalika atba'u ar-rusul min ad-du'at wal-muslihin awwal ma yahtamun yahtamuna bit-tawhid. Et il en est de même pour les disciples et ceux qui ont suivi les messagers alayhi salatu wassalam, les réformateurs, les prêcheurs qui veulent le bien de la communauté, ils s'occupent d'abord du monothéisme. لأن كل دعوة لا تقوم على التوحيد فهي دعوة فاشلة لا تحقق أهدافها ولا تكون لها نتيجة. كل دعوة تهمش التوحيد ولا تهتم بالتوحيد فإنها تكون دعوة خاسرة في نتائجها. وهذا شيء مشاهد ومعروف. إيه toute دعوة qui ne s'accomplit pas sur le monothéisme, c'est une da'wa qui est nulle, qui ne donnera pas son fruit, qui ne va pas arriver au but, et qui n'aura aucun résultat, aucun bon résultat. Mais sinon, les mauvais résultats, il y en a. Mais le bon résultat, et le résultat qui est demandé, il ne sera pas là. Toute da'wa qui néglige le monothéisme, qui le met de côté, qui ne se préoccupe pas du monothéisme, est une da'wa qui est perdante au départ. Aucun résultat, sinon les malheurs et les catastrophes qui ramènent à la communauté. Et ceci est très clair dans le vécu de la communauté jusqu'à nos jours. Et l'histoire se répète. وَكُلُّ دَعْوَةٍ تُلَكِّزُ عَلَى التَّوْحِيدِ فَإِنَّهَا تَنْجَحُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَتُتْمِرْ وَتُفِيدُ الْمُجْتَمَعِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ قَضَايَ التَّارِيخِ فقرأوا تاريخ أمتكم لكي تعلموا مدى حقيقة الاهتمام بالتوحيد والاهتمام بحق الله سبحانه وتعالى وتحقيق هذا الحق. Et toute da'wa qui ne se base pas sur le monothéisme ne donne pas de fruits, ne réussira pas. Et il ne sera d'aucun profit à la communauté ni à la société dans laquelle il s'accomplit. Comme il est connu dans l'histoire de cette communauté. Et lisez votre histoire et l'histoire se répète et prenez la leçon. Combien de da'wa, combien de mouvements est passé depuis juste un siècle. Ils ont amené la communauté où? Où il est le triomphe? Où il est la suprématie? Où il est l'honneur? Sinon les catastrophes et les bains de sang. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله ونحن لا نهمل قضايا المسلمين بل نهتم بها ونناصرهم ونحاول كف الأذى عنهم بكل وسيلة. وليس من السهل علينا أن المسلمين يقتلون ويشردون، ولكن ليس الاهتمام بقضايا المسلمين أننا نبكي ونتباكى ونملأ الدنيا بالكلام والكتابة والصياح والعويل، فإن هذا لا يجدي شيئا. يلدي حفظه الله تعالى. On néglige pas, nous on néglige pas les problèmes de la communauté musulmane et des musulmans. On se préoccupe et ça nous préoccupe les problèmes de la communauté et nous les faisons triompher avec les moyens que nous pouvons et nous essayons d'éloigner le mal de par tous les moyens que nous avons. Et il n'est pas facile pour nous de voir que des musulmans se font tuer et qu'on les sache de partout. Mais il dit... Le fait de se préoccuper des problèmes de la communauté, c'est pas le fait de pleurer, de pleurnicher, de faire pleurer. Et c'est pas non plus remplir le monde avec des paroles et avec des écrits et en criant. Tout ceci ne sert à rien. يقول حفظه الله لكن العلاج الصحيح لقضايا المسلمين أن نبحث أولا عن الأسباب التي أوجبت هذه العقوبات التي حلت بالمسلمين وسلطت عليهم عدوهم. هذا الأمر الأساسي الذي لم يفطن له من على الساحة اليوم. Et il dit حفظه الله تعالى le remède authentique pour le problème des musulmans, ce que nous devons chercher les causes qui ont prévalu ce châtiment à la communauté musulmane. Et ce qui arrive, ces malheurs qui arrivent aux musulmans. Et pourquoi leurs ennemis leur sont dessus. Et ça, c'est un point auquel n'ont pas fait attention les leaders du groupe qui existent sur le terrain. Ils ne lui ont pas donné une importance. يقول الشيخ حفظه الله ما السبب في تسليط الأذى على المسلمين ما هو السبب il dit حفظه الله تعالى c'est quoi la cause les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala sont derrière les musulmans يقول حينما ننظر في العالم الإسلامي لا نجد عند أكثر المنتسبين إلى الإسلام تمسكا بالإسلام إلا من رحم الله إنما هم مسلمون بالإسم فالعقيدة عند أكثرهم ضائعة يعبدون غير الله يتعلقون بالأولياء والصالحين والقبور والأضرحة ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يصومون ولا يقومون بما أوجب الله عليهم ومن ذلك إعداد القوة لجهاد الكفار هذا حال كثير من المنتسبين إلى الإسلام ضيعوا دينهم فأضاعهم الله عز وجل. Il dit حفظه الله تعالى. Il regarde cette analyse très objectif et cette analyse digne d'un homme de science. Regarde, quand on jette un regard et on observe le monde musulman, on trouve que beaucoup parmi ceux qui appartiennent à l'islam n'ont pas, ne se comprennent pas comme il se doit à l'islam, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde. Ils sont musulmans avec le nom, il dit Havidallahu ta'ala. Les croyants, c'est certains, sont négligés. Ils adorent autre qu'Allah. Ils sont attachés à ce qu'on appelle les saints dans les tombes. Et ils sont attachés aux tombes, aux mausolées. Ils n'accomplissent pas la prière, ils ne s'acquittent pas de la zakat, ils ne jeûnent pas, ils n'accomplissent pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire pour eux. Hein? Ils ne se préparent pas et préparent la force pour faire face à l'ennemi d'Allah. Il dit ça, c'est la situation de beaucoup qui se disent musulmans. Ils ont négligé leur religion, Allah subhanahu wa ta'ala les a négligés. Comme ils ont négligé leur religion, Allah subhanahu wa ta'ala les a négligés. وهنا أفتح قوسين أقول لماذا هؤلاء الذين خرجوا في الثورات لم يثوروا على أنفسهم ومتى سنثور على أنفسنا إلى جوغ une parenthèse je laisse de côté les paroles de Cheikh Fawzan et on se pose la question pourquoi ceux qui se sont révoltés jusqu'à nos jours ne se sont pas révoltés contre eux-mêmes et quand est-ce qu'on va se révolter contre nous-mêmes. Quand est-ce qu'on va se réveiller, se révolter contre nous-mêmes ? فهذا الظلم الذي ثار ضده هذه الشعوب الإسلامية هو جزء من جنس العمل جزاء من جنس العمل ولا نبرر الظلم أبدا. C'est une justice laquelle se révolte ceux qui se sont révoltés dans le monde musulman. C'est une justice ni que là. Récompense de nos actes. On ne dit pas que l'injustice est juste. Abedan. Hein? On ne donne pas la légitimité à l'injustice. Il faut savoir que ce qui nous arrive, c'est parce que c'est nous qui l'avons commis. Et c'est nous qui avons été la cause. Walad an salafina salih ridwanullahi alayhim. A'malukum ummalukum. Ay a'malukum. Yafi surati hukamikum. Hukamukum hum surati a'malikum. كما تكونوا يولى عليكم كيف تكونوا يكون الولي ديالكم والحاكم ديالكم وجاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان والحديث حسن وهو في السلسلة الصحيحة متى يبدأوا الناس ينقصوا في الميزان ها تيجيهم القحط قلة الشتاء قلة الأمطار المجاعات قلة الأكل وكذلك يكون فيهم جور السلطان لماذا؟ لأنهم أهملوا حقوق الله فالجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد وما أصابكم فبما كسبت أيديكم إن زيت رابورتي دو نو بيزير دو الله عليهم كو نو زاكت نو غوفرنور سون l'image de nos actes. C'est-à-dire, nos gouverneurs sont à l'image de nos œuvres. Donc les premiers auxquels nous devons nous prendre, c'est à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons fait? Où nous avons négligé les droits d'Allah? La sunna du prophète, alayhi salam. Il est dit dans une parole de nos puiseurs d'Allah, alayhim, que comme vous êtes, vous serez gouvernés. C'est-à-dire, comme vous êtes dans vos actes, vos gouverneurs sont l'image de vos actes. Ça veut dire que la récompense découle directement des actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Il est dit dans un hadith authentique, quand les gens trichent dans la balance, quand ils pèsent les marchandises, etc. S'il leur arrive la chasseresse, la pauvreté, etc., des difficultés dans la vie, etc., et l'injustice des gouverneurs. Donc tout ce qui arrive, nous devons d'abord nous poser la question, où sommes-nous des droits d'Allah? Où sommes-nous vis-à-vis de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de s'attaquer à autrui? فعلينا أن نغير سلوكنا ونبدأ بثورة على أنفسنا. Donc il est obligatoire pour nous de changer notre comportement et de se révolter contre nous-mêmes avant tout. فعلى المشرك أن يثور على صنمه ويتخلص من عبادة صنمه وعلى عابد القبر أن يتخلص من عبادة قبره. عليه أن يتخلص من عبادة الموتى ويثور على هذه العبادة وعلى المبتدع أن يثور على بدعته ويتخلص منها ويرجع إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى المتعصب للباطل أن يثور على باطله ويرجع إلى الحق ويتخلص من الباطل ويتجرد للحق وعلى المتبرجة أن تثور على تبرجها وترجع إلى ربها وإلى رشدها وعلى العاصي أن يثور على معصيته ويتخلص منها وكل مقصر في حق من حقوق الله يجب أن يثور على تقصيره في حقوق الله سبحانه وتعالى. فهنا الله عز وجل donc nous devons faire une révolte contre nous-mêmes avant tout. L'associateur doit se révolter contre ce qu'il associe à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il voit un culte aux tombes, il doit se révolter contre cette adoration qu'il voue aux tombes. Il doit s'en débarrasser. Il doit réserver son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. L'innovateur doit se révolter contre son innovation. Il se débarrasser de l'innovation et accomplir la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il se cramponner à la sunna. Celui qui est sectaire ou faux et aux principes qui ne sont pas de la sunna du prophète alayhi sallam ni de la voie du puiseur d'Allah doit s'en débarrasser, se révolter contre ce faux et revenir à la vérité et se cramponner à la vérité. Celle qui s'exhibe doit se révolter contre son exhibitionnisme et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et revenir à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala doit se révolter contre sa désobéissance et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et accomplir ce que veut de lui Allah subhanahu wa ta'ala et se débarrasser de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Et celui qui est négligent dans un des droits d'Allah, il doit se révolter contre cette négligence et revenir à accomplir les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكل أسير ذنب أو مخالفة شرعية ينبغي أن يثور عليها ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الثورة الحقيقية، رجوع إلى الحق والتزام بالشرع وفق منهج سلف الصالح لهذه الأمة، وفق منهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Et tout un chacun qui est prisonnier de ça, de son péché ou d'une divergence avec la législation, il faut qu'il se révolte contre son péché, contre sa divergence avec la législation. Il faut qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la réelle révolution. Revenir à la législation d'Allah, revenir au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, selon la voie et la compréhension de nos puiseurs d'Allah alayhim. Il se cramponnait à cette voie. ونعلم إخوة الإسلام أنه لا يمكن أن ونعلم أن التغيير لا يمكن أن يحصل إلا بقدر من الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. فله الأمر من قبل ومن بعد والله أوقف التغيير على أمرين إخلاص الدين له ومتابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا آخر الإسلام وعد من الله لكن لا بد من شروط الوعد لا بد أن نحقق الشرط الأساسي ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى واتباع في ذلك للمصطفى عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام ومن سار على نهجهم فكونساش فخيرون الله عز وجل كل الشنجمون نغيف كافك كونت وعليكم السلام كونت الله سبحانه وتعالى لفو كونت الله سبحانه وتعالى لفسيد Allah subhanahu wa ta'ala appartient les situations avant, après, toutes les situations appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'ils existent hein? Tout est à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que le changement il lui a fait deux points essentiels okay. C'est-à-dire accomplir la religion sincèrement pour Allah dans un suivi des messagers alayhi salatu wassalam. Il est dit dans le verset, Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et fait bonne œuvre. Hein? Ceux qui ont cru parmi vous et fait bonne œuvre, qui va les faire succéder les uns derrière les autres sur terre, il va donner la force à leur religion, il va changer leur peur en sécurité. Ça c'est la promesse d'Allah. Mais il a une condition très importante. Il m'adore, il me réserve le culte exclusivement sans faire d'associés. Donc les promesses d'Allah sont là. Mais il faut les conditions pour les avoir. Pour en être digne. Hein? وهذا الشرط وهذا الوعد يتحقق عندما بشرط أي الشرط الذي يتحمل فيه الفرد مسؤوليته بدءا من نفسه لقوله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الوعد هذا لا يتحقق إلا بتحقيق الشرط الذي يتحمل فيه كل منا مسؤوليته بدءا بنفسه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لكن مصيبتنا أننا فهمنا الآية غلط كأننا نفهم من الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا غيرهم لا يا أخي الإسلام إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أي التغيير يبدأ مني أنا من نفسي أصلح من أعول ومن تحت ولايتي والآخر لأننا نحن نكون هذه الأمة فإذا أصلحت نفسي وأصلحت من تحت ولايتي وفعل الأخ كذلك والأخ كذلك فنحن الذين نكون المجتمع فسيصلح ولا بد أن يأتي التغيير منا نحن لا ننتظر الغير فهنا الله عز وجل سيف بخمس arrive avec une condition qui est très importante. Une condition dans laquelle chaque individu musulman doit prendre sa responsabilité en main. Il doit commencer, le changement doit commencer par tout individu, par chacun de nous. Chacun de nous doit changer. Car il est dit dans le verset, Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. Et il semble que nous avons mal compris ce verset. Nous avons compris, Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas les autres. La akhal islam, le changement doit venir de toi, de moi, parce que c'est nous qui formons cette communauté. Si nous voulons le bien de cette communauté, la suprématie et les honneurs de cette communauté, je dois changer, je dois me réformer, réformer ma femme, mes enfants et ceux qui sont sous ma tutelle. Et l'autre doit faire de même car nous constituons cette communauté. Et ainsi le changement il arrivera. Et si on attend que les autres changent, là il faut changer les autres. Là, le shaitan il joue avec nous. On n'y arrivera jamais. فإذا تغير الفرد وأصلح نفسه وفق مراد الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح تغير المجتمع لأن الأفراد هي التي تكون هذه المجتمعات. ولو حاسب كل شخص نفسه لارتفعت الغمة وصلح حال هذه الأمة وبنيت مجدها وشرفها على أسس متينة. Ici, si chaque individu change, il commence par se réformer, à changer lui-même, selon ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala, et selon la sunna du prophète alayhi salatu salam, et la voie du puiseur d'Allah alayhi, la société va changer à l'islam. Car les individus, ce sont eux qui constituent ces sociétés. Et si chacun de nous fait le compte avec lui-même, tous ces soucis vont se dissiper. Et la situation de la communauté va aller du mieux au mieux. Hein, et vers le meilleur. Et cette communauté va construire sa gloire, son honneur, sur des bases solides. فَهَدِي الْأُمَّةُ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ مَجْدُهَا لَيْنْ بَنِي بِالْغَوْغَائِيَةِ أَوْ بِتْغِيِّرِ الْحُكَّامِ ولا يتغير حالها بثورة بعد الطوارئ أبدا. الله عز وجل بين لهذه الأمة كيف يحصل لها المجد، كيف يحصل لها العلو، كيف يحصل لها الشرف، كيف يكون لها الأمن والاستقرار. وهذا هو الذي فهمه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، حيث قال: كنا قوم أذلاء فعزنا الله بالإسلام، فإن نحن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا الذي فهمه إمام دار الهجرة الذي قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا الذي فهموه من ماذا؟ من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الله عز وجل cette communauté n'est pas comme les autres communautés. Cette communauté, sa gloire, son honneur, sa suprématie ne se fait pas avec des révolutions, ni avec des cris, ni avec un changement de gouverneur ou quoi que ce soit. Hein? Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala a montré à cette communauté qu'est-ce qui fait son honneur. Comment il peut acquérir son honneur, sa suprématie? Comment il peut avoir sa gloire, son triomphe? Comment il peut être dans la sécurité et dans la stabilité? Est-ce qu'a compris le puiseur d'Allah alayhi et à leur tête, le Farouk Omar ibn Khattab d'Allah alayhi? Quand il a dit, nous sommes des gens qui étaient rabaissés, qui étaient au plus bas de l'échelle de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés avec l'islam. Et si nous cherchons l'honneur dans autre chose que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous déshonorera. Et ce qui a compris l'imam Malik rahimahullah ta'ala qui a dit, ce qui va faire le bien de la fin de cette communauté, c'est ce qui a fait le bien du début de cette communauté, l'islam. Et réfléchis très bien. Est-ce que le début de cette communauté s'est basé sur une révolution ou là sur un suivi aveugle du messager alayhi salatu salam? هل امر هذه الامه الاول بدا بثورتنا ام بدا باتباع رسول الله وباخلاص العباده لله? Comment il a commencé la gloire et le début de cette communauté? Qu'est-ce qui a fait son bien? Le fait de réserver, d'être sincère dans la religion pour Allah et dans le suivi aveugle du messager alayhi salatu salam ou avec des révolutions? Réfléchissez à la situation. Là, ce qui a fait leur bien, c'est ce qui va faire notre bien. « Rahma salahu abihi, ahdu rasulillah, wa sahbihi al-kiram, wa man tabi'an bi'ihsan, fadalika alladhi sayuslihuna, fala nakdib ala anfusina. Fala nakdib ala anfusina. » فالفطن ينظر إلى ما ينظر. لمن هذه الثورات وهذه المفاسد هي في صالح من ومن تخدم وتخدم أهداف من ومصالح من. Et celui qui est doué de raison, il doit réfléchir. Ces révolutions et ces révoltes qui s'éclatent par-ci et par-là, ils servent les intérêts de qui? Ils servent les intérêts de qui? Il faut être doué de raison. Il faut voir avec la clairvoyance du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna et de la voix du puiseur d'Allah alayhim. Il ne faut pas se faire encore piquer. Hein? On s'est fait piquer déjà. Pourquoi se faire encore repiquer et repiquer et repiquer? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Hein? Quand? يقول الشيخ وعودة إلى كلام الشيخ الفوزان je ferme la parenthèse et je reviens aux paroles de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى يقول ولو أنهم تمسكوا بدينهم وأقاموا توحيدهم وعقيدتهم على الكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا لما حل بهم ما أحل ما حل قال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولو أنهم تمسكوا بدينهم حقيقة التمسك ماذا سيأتي النص عندما ينصر الإنسان دين الله ينصره الله سبحانه وتعالى وإلا مك الله سبحانه وتعالى الناس في الأرض أشي خصهم يقيموا الصلاة إقامة الظاهر وإقامة الباطل أن يحققوا في صلاتهم صلوا كما رأيتموني أصلي وكل ما يقومون به من أمور الدين يقوموا بها وفق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأن لا يبتدعوا في دين الله عز وجل وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بدءا بنفسك تنهى المنكر عن نفسك وفي من تعول فببعض الأحيان نحن نترك المنكر في البيت وننكر على من في الخارج يا أخي قم بواجبك هو الأول ها فلا بد ها إذا أردنا التمكين وأن ننصر دين الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي من نعول يقول حفظه الله فبين أنه لا يحصل النصر للمسلمين إلا بهذه الركائز التي ذكرها سبحانه وتعالى وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلدي حفظه الله تعالى سي les gens se comprennent leur religion ils accomplissent le monothéisme Et ils accomplissent une aqida authentique, basée sur le livre d'Allah et l'authentique de la sunna. Ils se cramponnent à l'ange solide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne se divisent pas, ils ne leur arrivent pas les malheurs qu'ils subissent maintenant. Car il est dit dans le verset, ceux qui font triompher Allah, c'est-à-dire ceux qui font triompher la religion d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les fera triompher. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait triompher la religion d'Allah. Car il est le puissant. Il a toute la puissance. Ceux à qui on a donné le pouvoir sur terre, ils accomplissent la prière. Et c'est l'accomplissement de la prière, ça veut dire un accomplissement dans son apparence et dans son fort intérieur. Et dans cette prière doit apparaître clairement ce qu'a dit Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, priez comme vous m'avez prié pour arriver à l'accomplissement de la prière. Ils s'acquittent de la zakat, ils ordonnent le bien et ils blâment le mal. Et à Allah subhanahu wa ta'ala appartiennent toutes les situations. Regardez frère Allah Azza wa Jalla, avant d'aller blâmer le mal dehors, regardez, est-ce que j'ai blâmé le mal que je fais moi-même le mal que je fais subir à ceux qui sont à l'intérieur de la maison, le mal qui est à l'intérieur de mon foyer hein? Donc, nous devons commencer hein? Par des réformes intérieures. Allah subhanahu wa ta'ala nous a éclairé, des cheikhs ici, sur les choses qui vont amener le triomphe des musulmans. Et que les bases de ce triomphe sont le fait d'accomplir la prière comme il se doit, le fait de s'acquitter de la zakat, le fait d'ordonner le bien, de blâmer le mal, tout ceci selon, hein, tout ceci avec preuve, tout ceci selon la voix de notre prophète alayhi salatu wasalam et la voix de ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection, ridwanullahi alayhim. ويقول حفظه الله وإن هذه الأمور في واقع المسلمين اليوم يقول الصلاة عند كثير من المسلمين أي انظر إلى أحوال المسلمين هل ترى في صلاتهم صلوا كما رأيتموني أصلي ها أين العقيدة عند الكثيرين أين العقيدة الصحيحة عند كثير من يدعون الإسلام ألا ترون الطواف بالقبور ألا تسمعون في مشارق الأرض ومغاربها حج المسكين أماكن أضرحة يحج إليها ويقال هذا حج المسكين ويطاف حول قبورها وفيها أماكن تسمى بعرفة وتسمى ويذبح فيها لغير الله سبحانه وتعالى وتقام فيها النسك ألا ترون ما يقع في المواسم ها؟ وما يفعل في ها؟ قبور الصالحين وما إلى ذلك Et donc, il dit, où sont toutes ces choses dans la vie du musulman aujourd'hui, où est la prière chez beaucoup de musulmans? Ça veut dire, regardez, est-ce que la prière de beaucoup de musulmans correspond à ce qu'a dit le prophète? Priez comme vous m'avez prié. Il ne faut pas être aveugle. Où sont les croyances authentiques? C'est une grande partie de ceux qui se disent musulmans. Regardez autour de la planète. Est-ce qu'on ne tourne pas autour des tombes et autour des morts comme on doit tourner autour de la Kaaba? Il y a des endroits à l'islam, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de la planète, qui s'appellent le pèlerinage du pauvre. Et on fait des pèlerinages vers des mausolées où il y a des places, celle-là il s'appelle la place de Arafat, de Minan, etc. Et on accomplit les mêmes rites que ceux qui s'accomplissent pendant la période du Hajj. Hein? Regardez ce qui se passe, ce qu'on appelle les festivals des saints, ou là les moussem. Regardez ce qui se passe. On égorge pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On tourne autour des tombes. On fait des vœux pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour des morts. Fas Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yufaqihna wa iyyakum fi dinina. Fas Allah subhanahu wa ta'ala janna wa iyyakum mimman yarzuquhum Allah subhanahu wa ta'ala fiqh dinihim. وتحقيق توحيدهم ومتابعتهم للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.